La traversée de l'Hudson de Peter Stefan Jung. Mon fils a derrière lui 29 heures de voyage. Vous voyez pas qu'il en peut plus? Ça saute pourtant aux yeux. Non, sur un pont que tu ne connais pas, le Tappan Zee. Je me suis trompé de route tout à l'heure, mais tout est rentré dans l'ordre. C'est à ce moment qu'il remarqua la chose. Là, en bas, dans le fleuve, directement sous le Tappan Zee, et parallèlement à lui, reposait, nu, le corps gigantesque de son père. Vous avez un secret que Gustave et moi souhaitons connaître. C'est moi qui pilotais l'avion par lequel votre fils est arrivé avec retard aujourd'hui. This is your captain speaking. Cinquième et dernier épisode. Montez dans votre voiture, tout le monde va démarrer. Permettez-moi au moins de vous téléphoner un de ces jours. Donnez-moi votre numéro. Ce genre de coïncidence ne se produit à peu près jamais dans la vie. Écoutez, je trouve si extraordinaire de vous avoir rencontré ici. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi vous n'alliez pas du côté est de l'Hudson. Comment se fait-il que vous soyez venu vous égarer sur ce pont? Ah, m'égarer? Ah non, vraiment pas. J'ai toujours adoré ce pont depuis mes premiers souvenirs. Il a accompagné mon enfance, ma jeunesse. À part quand je suis assise dans le cockpit, il y a dans ma vie très peu de sensations de bonheur qui puissent se comparer à la traversée du Tappan Zee. Bon, allez, retrouvons-nous à la sortie, juste après la rampe du pont, et je vous emmènerai à la maison de ma mère. Très bien. À tout à l'heure. C'est pour le coup que tu vas prendre froid. Son maillot de corps est trempé par la pluie, mais comment peut-on être aussi stupide? Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Elle nous emmène un moment chez elle et on se retrouve à la sortie du pont. Quelle personne épatante! Une pilote! C'est pas banal. D'habitude, les gens m'ennuient prodigieusement. Papa aimait rencontrer des gens, moi pas. C'est d'ailleurs pour ça que je parle tant, normalement, parce que, du coup, je m'ennuie moins. Mais jamais de ma vie, je n'ai connu de femme pilote. Toi, peut-être? Et il faut que ça m'arrive à moi. À ta mère, qui a peur en avion. On lui racontera tout à l'heure les accès de panique que j'avais dans le temps. Qu'en penses-tu? Tu n'as pas horriblement froid? Enfile au moins un pull. Pauvre papa. Encore que l'eau du fleuve ne semble pas le gêner beaucoup, au contraire. Peut-être même qu'il se régale. Elle me plaît terriblement. Erin, tu n'es pas obligée de me raconter tout ce que tu ressens, Bourchier. Tu peux très bien garder des choses pour toi, mais merci de me l'avoir dit. De toute façon, ça se voyait. J'en suis malade d'enthousiasme. Oh, tu dis ça de manière affreusement kitsch. Espérons que tu ne le lui diras pas en ces termes. À présent, calme-toi. Tu vas la revoir tout de suite. Et en plus, tu es totalement éreintée. Qu'est-ce que tu fais, pour l'amour du ciel? Je stoppe ici. Maintenant que ça a avancé, enfin tu t'arrêtes. Referme donc, il entre un froid, une humidité terrible. Je n'en peux plus, papa. Je ne la supporte plus. Comment as-tu fait pour la supporter pendant toutes ces années? Le mystère du couple. Pourquoi vous êtes-vous arrêté? J'ai été pris de panique. Pourquoi? Vous ne voyez plus dans le rétroviseur et... j'ai commencé à m'imaginer que notre rencontre aussi bien n'avait pas eu lieu. Et la deuxième raison, j'ai encore quelque chose à faire ici. Ici? Où ici? Sur ce pont. Je ne comprends pas. Écoutez, vous me permettez de vous l'expliquer une autre fois? Verriez-vous un inconvénient à ce que ma mère aille un peu se reposer chez vous? Notez-moi votre adresse et je vous rejoindrai très vite. Vous me promettez de nous rejoindre? Je vous le promets. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Erin t'emmène avec elle, chez sa mère. Tu pourras t'y reposer. Erin retourna à sa voiture, écrivit son adresse sur un morceau de papier, traça même un petit plan pour que Gustave trouve son chemin quand il aurait quitté le pont, côté est. Je veux rester encore sur le pont à tout prix. Je t'en préviens avec moi, ne reste pas ici, ne sois pas fou à ce point, après toutes ces heures épouvantables. En plus, tu es complètement trempé, tu ne t'es même pas changé. Maintenant qu'on peut enfin repartir, toi, tu veux... Tu parles pas sérieusement. Écoute, quand tu seras arrivé chez Erin, il faudra aussitôt que tu appelles Madeleine, que tu lui expliques que je ne peux plus être à la maison ce soir parce que je suis trop épuisé. Trop épuisé pour conduire encore. Non, dis-lui que c'est toi qui m'interdis de conduire encore, d'accord? Je passe la nuit dans un hôtel, dis-lui ça, j'y passe le Shabbat. Et qu'il n'est naturellement pas question de rompre, même dans des situations extrêmes. Et demain soir, dès qu'il fera nuit, dès qu'on verra 3 étoiles dans le ciel, j'arriverai, je me serai reposé et j'aurai repris mes esprits. Madeleine sera furieuse, mais elle devra s'incliner, elle n'aura pas le choix. Ou bien elle me comprendra, c'est possible aussi. Est-ce que tu l'aimes? Je crois bien. Donc plutôt pas. Car à une telle question, on ne peut pas répondre ainsi. Quand on demandait à ton père « Aimez-vous votre femme ?», il exultait de joie. Et comment, elle est la meilleure, elle est la plus belle. Sans elle, je serais perdue. Après 45 ans de mariage, je suis tout aussi amoureux de ma femme qu'au début de nos relations. Et toi, qu'est-ce que tu réponds ? Je crois bien. Pauvre Mad. Ne sois pas fâchée, Bourget. Si je te laisse seule maintenant... Je suis sûre qu'un jour je te manquerai encore plus que ton père ne te manque. Et il faut que je te dise une chose encore. Elle m'a trotté par la tête toute la journée depuis que je suis allée te chercher. Avant, dès que tu t'approchais de moi, il y avait quelque chose dans l'air. J'étais émue comme si c'était le Messie qui entrait dans la pièce. Et quand tu repartais, ton père aussi ressentait la même chose. Quand tu quittais la pièce, c'était comme si le Messie nous abandonnait. Tu nous tenais sous le charme. Hors de tout ça, il n'en reste rien. Je ne sais pas depuis quand. Tu as perdu ton aura. Tenez. Dépêchez-vous. Vous m'avez promis. Vous venez ? Gustave se sentit d'un coup comme libéré d'un joug de fer. Sa mère lui ôtait toute force, comme un vampire. De même que son père, aussi longtemps qu'il avait été en bonne santé, lui avait pompé toute son énergie. Seul, enfin seul. Quelle sensation différente dans tout le corps, de la tête aux pieds, du moment où l'on se retrouve seul. Pas avec ses propres enfants, pas avec sa mère, pas avec sa femme, pas avec des amis. Tout seul avec soi-même et le corps de son père. Je suis là, mon père. Je suis si fatigué, papa. Comme tu es couché là, allongé d'une pile de pont à une autre. Impressionnant. Comme tout ce qui est excessif. Mon Dieu fluvial de père. Mon père, je suis ta traînée de brume. Combien de garçons au monde peuvent dire avec autant de certitude, je suis ton fils? Sur mes jambes. Je veux te rejoindre. Je veux m'étendre près de toi. Je suis si fatigué. Si fatigué. Infiniment fatigué, son père l'était aussi lorsque Gustave lui fit une visite surprise dans une chambre d'hôtel à Hambourg, 5 semaines avant l'attaque qui devait frapper Ludwig. Gustave avait rendez-vous avec une directrice de banque qui était mécontente du manteau de vison qu'elle s'était fait confectionner à Vienne. Or, Ludwig se trouvait par hasard le même jour à Hambourg, où il participait en invité d'honneur à un colloque sur le thème « Les chances de nouvelles formes d'énergie ». Ce matin-là, à l'hôtel, Gustave trouva le corps de Ludwig particulièrement mince et petit. On aurait dit une grenouille. Pour la première fois, le fils discerna quelque chose de sénile dans le visage de son père. Ludwig parla d'argent, ce qui n'arrivait jamais. Mais ce matin-là, il fit mention de ses économies. Sans doute était-il influencé par le fait que son fils avait rendez-vous avec une banquière. Cet argent que j'ai sur un compte à Berne, c'est mon assurance vieillesse. Car c'est mon souhait inconditionnel, comme tu le sais. Et je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour que ce souhait se réalise de vivre jusqu'à 120 ans. Hein ? On ne meurt pas de vieillesse. On meurt de maladie. Et les maladies, je ne vais pas les draguer. Une heure avait passé depuis le début de sa descente. Des vapeurs de toluène parvinrent aux narines de Gustave. Elles n'irritaient pas les muqueuses ni les yeux, ne lui causaient pas non plus de nausées. Mais peut-être avait-elle à voir avec le vertige qu'il éprouvait. J'ai très faim, papa. Je vois tout tourner. Je me cramponne. Je n'ai plus le choix. Il faut que je descende jusqu'à toi, même si ça doit me coûter la vie. Ta vie est ma vie. Ma vie est ta vie. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'aurais dû t'écouter à l'époque, quand Lichmann m'a offert de devenir son associé. Je n'aurais pas dû tenir compte du conseil de ma mère. Je serais devenu l'un des plus grands historiens de notre époque. J'aurais pu aller loin. S'il avait été sans aucun entraînement, s'il n'avait pas depuis des années entretenu les muscles de ses bras avec des poids ridiculement légers, il aurait très certainement fait une chute fatale. Son cœur cognait comme un marteau-piqueur. Il imagina le coup de téléphone de Rosa à Madeleine, le lendemain matin au plus tard, peut-être même au milieu de la nuit. Cela prendrait une éternité avant que Madeleine ne décroche. Il faut des cas d'extrême urgence pour que les religieux répondent au téléphone pendant le Shabbat. Il entendait la tirade de Madeleine contre sa belle-mère, qu'elle rendrait seule responsable de la catastrophe. Il imaginait l'effondrement de Madeleine et ensuite son arrivée sur le pont, en taxi, même le jour consacré. Plus il se rapprochait de la surface de l'eau, plus son aventure lui paraissait monstrueuse. C'était un miracle qu'il eût réussi à descendre jusqu'en bas, sans faire de chute, sans se blesser. À supposer que les anges gardiens existent, l'un d'eux au moins l'avait constamment accompagné au cours de la dernière heure. Le crépuscule tombait. Le moment où débute le Shabbat, le point culminant de la création. Sur les deux derniers mètres jusqu'à l'énorme socle en brise-lame, il se laissa tomber d'un bond et, en se recevant, se tordit le pied gauche. Mais il prit à peine garde à la douleur de sa cheville. Il était maintenant debout, juste à côté de la tête de son père. Il toucha les cheveux blancs de Ludwig Rubin. L'épaisse touffe vers l'arrière du crâne. Le contact n'en était pas soyeux, plutôt comme du chanvre. Puis il tâta la peau du visage de son père, à un endroit situé au-dessus du sourcil gauche, broussailleux et hirsute, sur le front. Près des premiers cheveux. Il entendit résonner la phrase de sa mère. « Ton père a le crâne incroyablement dur. Il défonce tous les murs la tête la première. Ce qu'il s'est mis en tête, cela se réalise. » Toucher l'oreille aussi grande qu'un tapis de salon, il n'osait pas. Avec cette oreille, son père avait écouté la musique de Led Zeppelin, allongé sur le lit de Gustave. Avec des écouteurs pesant une livre, dans la petite chambre d'hôtel où Gustave habitait, à côté de celle de ses parents, à Berlin, à la fin des années 60. Ils avaient vécu des mois à l'hôtel. Le père avait accepté un poste de professeur invité à la Technische Universität. Gustave allait pendant ce temps-là au lycée à Berlin, fumait du haschich l'après-midi et la nuit, et s'adonnait sans retenue à la musique rock. Ludwig était au courant des fantaisies narcotiques de son fils. Il était le seul. seul à connaître la double vie de l'adolescent qui ne dormait presque plus et, complètement parti, écoutait ses disques jusqu'au petit matin. Le père avait voulu entendre ce qu'écoutait son fils. Celui-ci avait passé « Wall Lotta Love », le premier morceau du disque « Led Zeppelin 2 », la chanson à jamais préférée de Gustave. Tu m'as ouvert un monde nouveau. Gustave posa ses deux mains sur la paupière baissée de l'œil gauche de son père. Là, la peau était plus douce, comme du velours ou de la soie. La tête du père, qui semblait savoir tout ce que l'esprit humain était en mesure de savoir à la fin du XXe siècle, à qui l'on pouvait poser n'importe quelle question et qui connaissait toujours une réponse, laquelle faisait progresser l'interrogateur, le convainquait, lui ouvrait des horizons. L'obscurité tombait comme un rideau sur l'Hudson. Les premières étoiles devenaient visibles. Il oublia la faim qui le terrassait, la soif immense. Il s'endormit. Je ne veux pas être sauvé, papa. Surtout pas revenir. Surtout pas de retour en arrière. J'ai cette idée, une sorte d'inspiration, que vous pouviez être ici. Attrapez ça, tenez. Votre mère se faisait beaucoup de soucis, elle voulait à tout prix venir avec moi. J'ai réussi à l'en dissuader. Tenez, aidez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi la main. Merci. Je crois que vous avez sauté dans l'eau. Ou que vous y êtes tombé en prenant des photos. Faut absolument que nous lui disions que je vous ai trouvé. Tenez, vous avez sûrement faim. N'appelons pas tout de suite. Restons au moins quelques minutes seuls. Il faut d'abord que tu manges quelque chose et que tu boives. Et ensuite tu te lèveras. T'as encore un long chemin devant toi. Il faut que tu rassures ta mère. Je suis incapable de lui parler maintenant. Je veux rester seule avec toi, cachée de tous. Maman, veux-tu dire à Madame Rubin que je l'ai trouvée? N'oubliez pas, votre mère, c'est Rosa. Alors, vous l'avez trouvée? Oui, Madame Rubin. Je l'ai trouvée. Très bien, passez-le moi vite. Non, il ne souhaite pas, je crois, vous parler pour l'instant. Éteins-le vite. Non, ça, il ne faut pas parler. Passez-le moi tout. Vous auriez terriblement plu à mon père. Vous savez, mes parents se sont rencontrés dans le port de New York, pas loin d'ici. Il y a 51 ans, au cours de l'été 1948. Mon père accompagnait un ami sur le Liberté en partance pour le Havre. Il était assis avec lui dans sa cabine en attendant que le bateau soit prêt à appareiller. Au dernier moment, arriva une jeune viennoise pour dire au revoir à cet ami, connaissait que vaguement, mais qu'elle aimait beaucoup et dont elle aurait voulu devenir la maîtresse. Elle était triste qu'il repartît sans elle pour l'Europe. Et c'est dans cette cabine qu'elle vit mon père pour la première fois. Ils dirent ensemble adieu à l'ami lorsque retentit la sirène du bateau et ils durent descendre rapidement sur le quai. Ensuite, ils firent ensemble un bout de chemin dans le crépuscule à travers le port. Et 2 mois plus tard, ils se marient. Il faudrait que tu songes à te séparer de ce pont. J'ai promis à ta mère de te ramener. Je reste cette nuit auprès de mon père. Erin ne comprit pas ce qu'il voulait dire. Est-ce que cela existait dans le judaïsme? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Elle n'osa pas poser la question. En plus, je n'ai pas le droit de conduire le jour du Shabbat. On n'a pas le droit de quitter l'endroit où l'on se trouve au début du Shabbat pour se rendre dans un lieu voisin ou pour voyager. Viens, serre-toi contre moi. J'ai froid. Viens contre moi. Tout près. Il faut que tu retournes auprès de ta mère, auprès de ta femme, auprès de tes enfants. Que tu retournes à la vie. Non. Je vais demeurer auprès de mon père. Il a besoin de moi. Tu ne peux en aucun cas rester ici. Lève-toi maintenant. Tout de suite. Le plus cher désir de mon père était de vivre l'année 2000. Et il était sûr qu'il la vivrait. Il n'avait aucun doute là-dessus. J'atteindrai 120 ans, proclamait-il sans cesse, jusqu'à la fin. Dès ma petite enfance, il calculait l'âge que nous aurions, lui et moi, en 2000. Il était convaincu qu'à partir de l'an 2000, le monde serait meilleur. Gustave, nous ne pouvons pas rester ici. T'es complètement trempé. Ton pied est blessé. T'es trop peu habillé, tu vas attraper une pneumonie si tu restes étendu une minute de plus. Allez, viens! Non! Je reste ici. Je dois lui dire définitivement adieu. Une fois pour toutes. Alors je vais chercher des secours. Pour être mis au monde une seconde fois, je dois dire adieu à Ludwig David Rubin. C'est pour cela qu'il est étendu là aujourd'hui. Il m'attendait. C'est bien le moins que je puisse faire. De passer encore cette unique nuit avec lui. Auprès de lui. Juste une dernière nuit. C'est cette nuit qu'elle prend fin. Mon éternelle enfance. Reviens! Je t'en prie! Reviens! Père chéri, pardonne-moi. Je sauve ma vie. La vie que tu m'as donnée. Time went so quickly, I went lickety-splickly out to my old 55. C'était La traversée de l'Hudson de Peter Stefan Jung. So holy, traduction Bernard Lortolari. Adaptation alive. Julien Doumanque. Cinquième et dernier épisode. Avec Daniel Lebrun. Mom, Christophe Giordano, Gustave, Jean-Gabriel Nordman, Ludwig, Myriam Ajar, Erin, Thibaut de Montalembert, le narrateur. Bruitage, Patrick Martinache. Musique originale, composée par Dominique Massa et interprétée par Erwan Ricordo. Équipe de réalisation, Émilie Couette, Clémence Gross, Kevin Lebars, Julien Douminc, François Christophe. La traversée de l'Hudson est publiée aux éditions Jacqueline Chambon. Trucks are flashing, I'm on my way home from your place. And now the sun's coming out. I'm riding with Lady Luck. Freeway cars and trucks.